Unité 4, entraînement au DELF A1. Compréhension de l'oral. Les clés du dialogue en situation. Exemple. Bonjour monsieur, est-ce que je peux prendre la commande? Bien sûr. Alors, comme entrée, je vais prendre des endives à la béchamel.